fais ton chemin. Ça me prend mal au cœur si j'en ai un. Qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit tout ce qu'on a construit. On s'approche de la fin. Quelque chose a changé ce matin. Cette nuit nous a tout dit. Ta main fut la mienne, je m'en souviens. Je n'y comprends plus rien. D'habitude c'est toi qui reviens. Adieu le quotidien. On va s'en remettre au destin. Tu voulais la vérité. Voilà toute la vérité. J'ai préféré te mentir. J'ai préféré te mentir. Tu voulais la vérité. Voilà toute la vérité. J'ai tout vu venir. Je n'ai rien pu dire. Voilà la vérité. Voilà la vérité. J'en avais besoin, tu le savais. Je reste à tes côtés. Ah ok, c'était larmes et tes colères. Je ne vois plus ta beauté. Mes sentiments sont tristes et c'est pitié. Et malgré tous ces efforts, saupoudrés de quelques mensonges, si je suis toujours là, bah c'est uniquement pour les enfants. Tu voulais la vérité. Voilà toute la vérité. J'ai préféré te mentir. J'ai préféré